Toi qui es conscience de toute belle bagaille que bon Dieu t'ai créé. Ton top et nous lever, nous jouons tout le bagaille qu'on besoin sur la terre. Que fait des soleils que la nature portait. Tout le de conscience de toute belle bagaille pour bon Dieu t'écrier. Que belle femme, que belle dame, quelle musique pour danser. Ton top et nous lever, nous jouons tout le bagaille qu'on besoin sur la terre.